Les véhicules de tourisme sont obligatoirement soumis au contrôle technique avant la fin de la quatrième année qui suit la date de leur première mise en circulation. Par la suite, la périodicité de ces visites est de 2 ans. Attention cependant, ces visites doivent avoir lieu dans les 6 mois qui précèdent les dates limites. Réponses B et C.